The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Last. Dernier. First. Premier. Episode. L'épisode. Star Wars. La guerre des étoiles. To mean. Vouloir dire. Best one. Meilleur. Forget it. Laisse tomber. Now, a bit faster. Star Wars. La guerre des étoiles. Forget it. Laisse tomber. First. Premier. Best one. Meilleur. Forget it. Laisse tomber. Last. Dernier. Episode. L'épisode. Star Wars. La guerre des étoiles. Last. Dernier. Best one. Meilleur. Star Wars. La guerre des étoiles. Last. Dernier. Episode. L'épisode. Now, use the words in context. Dernier. The last time that I went to the movies, I saw Star Wars. La dernière fois que je suis allée au cinéma, j'ai vu La guerre des étoiles. Premier. He's the first in his class. Il est le premier de la classe. Premier. Is the best Star Wars movie the first one? Le meilleur des Star Wars est le premier? Meilleur. That's the best passage in this book. C'est le meilleur passage de ce livre. Vouloir dire. I mean that he can't come. Je veux dire qu'il ne peut pas venir. Dernier. The last time that I went to the movies, I saw Star Wars. La dernière fois que je suis allée au cinéma, j'ai vu La guerre des étoiles. Premier. Is the best Star Wars movie the first one? Le meilleur des Star Wars est le premier? Meilleur. That's the best passage in this book. C'est le meilleur passage de ce livre.